Sous la chaleur, je sens ton souffle. Chaque moment là, c'est m'étouffe. Ta voix me guide, mes lèvres s'ouvrent. Chaque désir doucement se découvre. Rire ce qu'il m'appelle dans la nuit. Yeah. Sa voix rauque s'impose et me suit. Nos deux corps chantent sans détour. Chaque note devient retour. Touch the fire. Born of rhythm, carved in sound, written in truth, profound. We are riders, scale eternal, and our voices shake the ground. Tes mains savantes, je ferme les yeux. Chaque frisson m'élève vers les cieux. Ton souffle chaud glisse sur ma peau. Chaque mot chuchoté devient flambeau. Rider's kill me garde sous sa flamme. Sa voix brute s'imprime dans mon âme. Nos murmures s'unissent dans l'air. Chaque instant devient lumière. Nos voix éclatent, nos corps s'embrasent. Chaque vibration consumée enlace. Sous la basse, nos souffles s'élèvent. Chaque désir devient une trêve. Touch the fire, taste the flame. Whisper deeper, say my name. Through the dark, we collide. Ride a skill, ride by my side. Je sens ton souffle contre ma joue. Chaque note s'imprime en nous. Ah, le ski s'élève dans mes veines. Sa voix rauque fend les chaînes. Nos murmures vivent dans les terres. Chaque désir éclate en lumière. Nos voix frappent, nos corps s'élèvent. Chaque battement devient sève. Sous les néons, la fièvre éclate. Pas de skill, règne, brut, éclat. Touch the fire, taste the flame. Whisper deeper, say my name. Through the dark, we collide. Ride a skill, ride by my side. On m'appelle plus fort. Rider's kill brûle dans mes veines. Un chant charnel, une douce chaîne. Rider's kill.